Bienvenue à Méloman spécial Halloween 2016 au 99.1 CFNJ. See fingers up and down my spine. Same old witchcraft when your eyes meet mine. The same old tingle that I feel inside. And then that elevator starts its ride. Down and down I go, round and round I go, like a leaf that's caught in the tide. I should stay away, but what can I do? I hear your name and I'm aflame. A flame with such a burning desire that only your kiss can put out the fire. You are the lover I have waited for, the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine, baby, down and down I go, round and round I go, in a spin, loving the spin that I'm in, under that old black magic called love. You are the lover that I've waited for, the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine, a baby, down and down I go, all around I go, in a spin, crazy about the spin I'm in, under that old black magic called love. That old black magic called love. that old black magic called love. CFNG. Halloween Mélomane ce soir sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ ou encore bien sûr sur CFNJ.net. Mathieu Lajoie au micro en ce 26 octobre 2016 et on entend en ce moment même le thème tout approprié du film Child's Play de Joe Renzetti en 1988, un film qu'on a connu au Québec sous le nom de Jeux d'enfants avec Chucky, la poupée démoniaque. Mais sinon, juste avant, toujours dans les années 80, 1982 pour être plus précis, On a entendu Geneviève Lapointe dans le rôle de Dolby Stéréo nous interpréter la très sombre chanson-thème de la comédie musicale de Marc Drouin, Pied de poule, bien sûr, dans laquelle on peut retrouver d'ailleurs Normand Brathwaite et Marc Labrèche. Marc Drouin, qu'on connaît aussi pour Après l'école et Vie ta vinaigrette. Et juste avant tout ça, un duo aussi maléfique qu'improbable avec Frank Sinatra qui nous parlait de magie noire en 1961 avec That Old Black Magic, deuxième version enregistrée par M. Sinatra qui suivait un peu dans le même ordre d'idée, nul autre que Black Sabbath avec la chanson Black Sabbath de leur album Black Sabbath de 1970. Ils ne se sont pas trop cassés la tête pour le titre, mais pourtant, c'est une chanson qui va marquer l'histoire à sa façon, qui va inspirer tout ce qui allait s'appeler métal, bien sûr, mais tout ça grâce à l'usage d'une note pour laquelle on pouvait pratiquement se faire brûler sur le bûcher au Moyen-Âge, d'ailleurs. C'est une note, ou plutôt un intervalle, un triton, la quarte augmentée ou quinte diminuée, qu'on va appeler, au moins à partir du début du 18e siècle, le Diabolus in Musica, ou le Diable en musique, si vous préférez. On l'utilise assez librement aujourd'hui dans le jazz, beaucoup entre autres, mais on peut constater que ça fait toujours son effet quand même, comme en témoigne Black Sabbath. Et nous, il retourne sur une note un peu plus légère, mais toujours en plein spécial d'Halloween au 99.1 CFNJ. Who you gonna call? From his slab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the mash. He did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. He did the mash. It caught on in a flash. He did the mash. He did the monster mash. From my laboratory in the castle east to the master bedroom where the vampires feast, the ghouls all came from their humble abode to get a jolt from my electrode. They did the mash. They did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. They did the mash. It caught on in a flash. They did the mash. They did the monster mash. The zombies were having fun. The party had just begun. The guest included Wolfman, Dracula and his son. The scene was rocking, all were digging the sounds. Igor on chains, backed by his baying hounds. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five. They played the mash. They played the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. They played the mash. It caught on in a flash. They played the mash. They played the monster mash. Out from his coffin, Rex's voice did ring. Seemed he was troubled by just one thing. Opened the lid and shook his fist and said, whatever happened to my Transylvania twist? It's now the mash. It's now the monster mash. The monster mash. And it's a graveyard smash. It's now the mash. It's caught on in a flash. It's now the mash. It's now the monster mash. Now everything's cool, Drax a part of the band, and my monster mash is the hit of the land. For you the living, this mash was meant to. When you get to my door, tell them Boris sent you. Then you can mash. Then you can monster mash. The monster mash. And you my graveyard smash. Then you can mash. You'll catch on in a flash. Then you can mash. Then you can monster mash. Mash good! Easy, Igor, you impetuous young boy. Mash good! Monster mash good! Monster mash good! Monster mash good! Monster mash good! 99.1 et 88.9 CFNJ. spécial d'Halloween. Ça ne nous empêche pas d'être complètement éclectique, comme toujours, tout ça sur les ondes du 99.1 CFNJ pour une autre édition de Mélomanes, où on vient tout juste d'entendre un magnifique poème symphonique du compositeur français Camille Saint-Saëns. Excellent compositeur qu'on aura sûrement l'occasion de réentendre à l'occasion à l'émission. D'ailleurs, mais donc, dans ce cas-ci, un poème symphonique tout à fait approprié, comme de raison, avec la danse macabre en sol mineur, opus 40, une pièce de 1874, où justement on a pu entendre encore une fois le fameux triton, l'intervalle du diable, joué par le violon juste en début de pièce, intervalle dont on a parlé tantôt. Tout ça au nom de l'Halloween, on le rappelle. Et à l'Halloween, qu'est-ce qu'on veut? On veut des bonbons, mesdames et messieurs, comme Bow Wow Wow, qu'on a entendu juste avant, avec, bien sûr, I Want Candy de 1982. Une pièce bâtie, tant qu'à parler théorie, sur un rythme que certains vont appeler le rythme Bo Diddley, parce que Bo Diddley va évidemment populariser plusieurs chansons avec ce rythme-là dans les années 50-60. Mais, en fait, les Cubains doivent trouver ça bien drôle parce que c'est en réalité la clavitres d'os qu'on retrouve depuis des lustres un peu partout dans la musique afro-cubaine. Donc, on pourrait presque parler à ce moment-là d'une fusion entre le rock et la musique cubaine. C'est souvent des hybrides que naissent les meilleures idées, d'ailleurs. Et donc, trêve d'histoire, un peu juste avant tout ça, un duo classique de la musique d'Halloween, avec bien sûr le Monster Mash de Bobby Boris Pickett et ses Crypt Kickers en 1962, et évidemment le thème de Ghostbusters, un peu beaucoup copié sur I Want a New Drug de Huey Lewis. On en avait déjà parlé à l'émission. Une chanson de Ray Parker Jr. en 1984. Un gars qu'on pouvait aussi retrouver un peu partout comme guitariste de session, dont au sein de l'excellent groupe Rufus, aux côtés de Chaka Khan, la reine du funk. Mais nous, on y retourne et on n'oublie pas Caméloman, c'est déjà l'Halloween. 99 ans, CFNJ. This is Halloween. This is Halloween. Pumpkin scream. The dead of night. This. along. Nocturnal vacation, unnecessary sedation. You wanna feel at home, 'cause you belong. To my breakdown, I hope I didn't scare you. That's just the way we are when we come down. We sweat and laugh and scream here, 'cause life is just a dream here. You know inside you feel right at yeah. You're welcome to my nightmare, yeah. Welcome to my I think you're gonna feel you belong. have seen your face draw back in fear. I am the mask you wear. It's me they hear. My spirit and my voice in one. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. I put a spell on you. Because you're mine. You do. What's up? I ain't lying. Yeah, I can't stand. Ooh! No running around. I can't stand. No putting me down. A spell on you because you're mine. Oh yeah. The things you do. What's up? I ain't lying. Oh! Oh! I love you. I love you. I love you. Anyhow, I don't care if you don't want me. I'm yours. Right now, I put a spell on you.

toujours en plein spécial à Dalloween, Mélomane au 99.1 et 88.9 CFNG avec une magnifique composition de Philip Glass, compositeur dont on a parlé il n'y a pas si longtemps avec Music Box, qui avait servi de thème au film d'horreur Candyman de 1992. On a aussi entendu le must I Put a Spell on You de Screamin' Jay Hawkins, un des précurseurs de ce qu'on va appeler le shock rock, même s'il venait du monde du R&B à cause du rôle qu'il jouait sur scène et de tous les accessoires macabres qui venaient avec. Donc, encore une fois, tout indiqué. Tout comme Sarah Brightman et Michael Crawford, qui nous interprétaient en 1986 le thème principal du fantôme de l'opéra comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber, à qui on doit aussi Cats et Jesus Christ Superstar, entre autres, une grosse star de Broadway, qui suivait à merveille, sans doute une grosse influence, la toccata en ré mineur BWV 565 de nul autre que Jean-Sébastien Bach, composé entre 1704 et 1708 et interprété ici par Simon Preston en 1989. Malheureusement, on n'a pas eu le temps pour faire jouer la tourbillonnante fugue de 6 minutes qui suivait la toccata normalement. Mon cœur de mélomane qui saigne évidemment pour faire des sacrifices des fois, mais les sacrifices, ça fait Halloween. Et tout ça, parlant de Chuck Rock, amorcé par deux des figures les plus connues du genre, soit Alice Cooper, bien sûr, avec Welcome to My Nightmare de 1975, et Marilyn Manson avec sa version de 2006 de This is Halloween, composée par Danny Elfman pour le film The Nightmare Before Christmas de Tim Burton en 1993. Et nous, ben, on a encore plein de belles musiques d'épouvante qui nous attendent. Donc, on retourne avec le tueur psychotique des Talking Heads, 99.1 CFNG. On fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer. Qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Better run, run, run, run, run, run, run, run away. Oh, psycho killer. Qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa. to see. la nuit, viens dans mon lit. Jamais je ne m'ennuie. La nuit est mon ami. Je ne suis pas seul ici. Qu'est-ce qu'il y a dans le noir? Que j'invente quand vient le soir. Il y a des fantômes forts, des monstres verts, des lapins qui ont 23 pattes, des éléphants qui rient tout le temps, des bandits qui montrent leurs dents, des araignées qui font des farces, des mille pattes qui me donnent la main, des escaliers qui finissent plus, des loups qui me tirent les cheveux, des poules qui pondent des œufs bleus, des chats qui marchent sur la tête, des chiens qui marchent sur les chats, des chevaux tout en chocolat. Il y a des peurs qui font rire. Il y a des peurs qui font peur quand vient le soir et qu'il fait. La nuit, viens dans mon lit. Jamais et je ne m'ennuie. La nuit est mon ami. Je ne suis pas seul ici. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. Real tight. close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna do it tonight. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams were the reflections of my woman staring back at me. Cause in my dreams, it's always there, the evil face that twists my mind and brings me to despair. We'll be right back. êtes toujours sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ avec Méloman, où on fête l'Halloween avant tout le monde, comme toujours, avec un petit clin d'œil aux Munchkins qui se réjouissent de la mort de la méchante sorcière de l'Est dans Le Magicien d'Oz, film classique de 1939 avec Ding Dong, The Witch is Dead, composition de Harold Arlen et E.Y. Harburg. Notre medley classique aussi du Number of the Beast de Maiden et The Thriller de Michael, deux chansons de 1982, même si le single de Thriller est sorti juste en 84, mais l'album en 82. Les deux chansons qui sont liées par la voix inimitable de Vincent Price, un acteur indissociable du cinéma d'horreur classique, et donc souvent prêté sa voix à tout ce qui nécessite l'épouvante. D'ailleurs, on pouvait aussi l'entendre sur l'album « Welcome to my nightmare » d'Alice Cooper, dont on a parlé tantôt. Et juste avant ça, un petit lien avec Michael Jackson, justement, qu'on pouvait entendre faire des voix avec son frère Jermaine Jackson sur le gros hit du fils du fondateur de Motown, Rockwell, qui, en 1984, se croyait observé avec « Somebody's watching me ». Et j'ai un ami ici avec moi qui m'a fait remarquer que c'est pas sans ressembler à « Somebody that I used to know » de Gautier, le hit de 2011 pardon, que tout le monde connaît. Donc, vous regarderez ça. En plus, les deux chansons commencent... c'est assez louche. « Somebody that I used to know, somebody's watching me ». Bref. Et souvenir, souvenir, on a aussi entendu « La nuit » de Pierre F. Brault, magnifique compositeur qui est responsable d'à peu près toute la musique qu'on pouvait entendre dans la série originale « Le passe-partout », diffusée de 1977 à 81. Donc vous avez sûrement reconnu pour plusieurs d'entre vous Passe-Montagne et Passe-Carreau qui avaient la frousse d'entendre un fantôme manger des chips en pleine nuit, si je ne m'abuse. Chose qui suivait le thème de Rosemary's Baby, donc le bébé de Rosemary, film classique de Polanski. Version complètement déjantée, par contre, de Fantomas, groupe de Mike Patton, membre fondateur de Faith No More, Mr. Bungle, aussi en 2001. Les Specials, aussi groupe précurseur du Two Tone Ska, avec Ghost Town, la ville fantôme, en 81. Et Psycho Killer, en 77, avec les Talking Heads. Mais nous, on a beaucoup de musique qui s'en vient aussi. On poursuit avec une chanson qu'on pouvait entendre dans le premier film d'Halloween, le premier Halloween de John Carpenter. Encore plus de cloches à vache, 99 ans, CFNJ. Don't fear the reaper, nor do the wind, the sun, or the rain. Be like they are. Come on, baby. Don't fear the reaper. Baby, take my hand. Don't fear the reaper. We'll be able to fly. Don't fear the reaper. Baby, I'm your man. We'll be right back. night of sadness, and it was clear she couldn't go on. The door was open and the wind appeared. The candles blew and then disappeared. The curtains flew and then he appeared. Said, don't be afraid, come on baby. And she had no fear. And she ran to him. They looked backward and said goodbye. She had taken his hand. Come on baby. Come in. Who is it? No! Ah! He's a vampire. He's a vampire. He's a vampire. He's a vampire. He's a vampire. He's a vampire. His name was Pete. Wow. He told me that he was a nice guy. Wow. Until I looked up into his bloodshot eyes. Wow. All I could do was break out and cry. Wow. Boy, that guy sure would eat you alive. He's a vampire. He's a vampire. Boy, look at him fly. He's a vampire. He's a vampire. Boy, that guy's on a rampage fly. He's a vampire. Well, I finally got away from him. Wow. Running as a fast as I came. Wow. On the way I met some of the boys. Wow. Standing on the corner there. Wow. We started back to get on feet. Wow. That's when I heard some of the boys scream. He's a vampire. He's a vampire. He's a vampire. Oh, he got mother-in-law. He's a vampire.

99.1 et 88.9 CFNJ. Et c'est déjà tout pour le spécial d'Halloween 2016 de Mélomanes. J'espère que vous avez eu la frousse. Mais je vais quand même vous faire un petit tour d'horizon quand même. Le grand orchestre du Splendide avec la salsa du démon qu'on vient d'entendre de 1980 et qui suivait toujours dans notre tradition du shock rock de ce soir, Rob Zombie du groupe initialement White Zombie, bien sûr, avec son classique Dragula de 1998. Rob Zombie a aussi réalisé d'ailleurs le très bon remake du film Halloween, justement. On en avait parlé tantôt en début de bloc avec Don't Fear the Reaper de Blue Oyster Cult en 76. Qu'on pouvait entendre dans l'original, justement, et entre les deux, Archie King avec The Vampires de 1959 et le classique Frankenstein du Edgar Winter Group en 1973. Edgar Winter, frère de Johnny Winter, légende de la slide guitar, deux frères albinos, ce qui était quand même particulier pour le temps, surtout avec leurs longs cheveux blancs, c'est assez reconnaissable. Donc écoutez, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste, soit mercredi 20h pour une autre édition de Mélomanes, et en vous souhaitant une belle semaine d'ici là, et surtout un joyeux Halloween, parce que c'est lundi officiellement, je vous laisse avec ce qui est considéré comme le tout premier enregistrement de rock gothique, et qui, en prime, fait référence à un des tout premiers Dracula du cinéma d'horreur, soit Bela Lugosi. Bonne nuit. Two mill times their flowers.